بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، لا نزال ولله الحمد نقرأ في هذه الرسالة النافعة في بيان حزبية عبد الرحمن العدني المنحرف المخذول. ولله الحمد نعقب على فن الرسالة. الشيخ سعيد بن دعاس اليافعي رحمة الله عليه à la fin de la Rissala, il cite des choubouhat, des masail qui ont rapport avec cette Hizbiya. Fanaqra. Amakalam Ams, il était sahl. Il a rad à la choubouhat mara aina Hizbiya. Il a démontré que l'haq n'est pas muta'alliq bi fulan. Là, mara aina Hizbiya, il n'a pas fait d'effort. Ama cette Rissala qu'on a lue, elle est wadiha. Elle est wadiha, elle démontre que أن الرجل إلى أبلي أسد حزبية ونصح نصح إلى بابولي غوفيني وحق فيسر الله سبحانه وتعالى من يبين حاله نورمالمون لا بيرسون يبخون سو حق إي دوموند لحق أما ما رأينا سا فو با دير كو تا با فو كيا با أبدا يا بوكو دشوز كو تو فوا با إي سي حق سا امبليك با كو الحق كو تو لو فوا لا الحق إي Il est ma'rouf, celui qui le veut, il le prend. Amma mara'ayna, qu'a-t-il mis l'annas, ils n'ont pas vu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à la haq. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une hizbiya? Est-ce qu'il y a une hizbiya? Et ça va impliquer des recherches. Amma mara'ayna hizbiya, hadha al-kalam, la yunfa'. Qala rahmatullah alayhi, dallun khati fi fahm al-hizbiya. On avait vu parmi les causes qu'une personne quelconque elle ne comprend pas que Fulan c'est un Hizbi, c'est un dha'f fil fahm ou jahl ou hawa. Ils ont une compréhension de Hizbi, elle est mauvaise. Ils n'arrivent pas à concevoir, à comprendre un hukm sur une personne précise. Ils ne comprennent pas le Hizbi elle-même. Il ne va pas comprendre Foulan c'est un Hizbi. Il ne sait pas c'est quoi le Hizbiya ou il a une définition ou des Shubha. Une définition qui n'est pas à la manhaj al-salaf par rapport à le Hizbiya. Maintenant on va voir un exemple. Qala wa dhannu ba'd an-nas anna al-Hizbiya la takun hatta ya'ti ar-rajul bima 'inda al-awa'il min al-afkar thumma yabni al-wala wal-bara ad-dayyiq wal-furqa wa muharabati ahli al-haqq 'alayhi. فهو غفلة شديدة أو فهي غفلة شديدة. نعم. هذا سان اكزامبل. أن بعض الناس يظنون أن الحزبي أو الحزبية تي اوبليجي دافوار لي زيغارمون دو سو كي تي افون توا. مثلا بعض الناس يفون دير مي عبد الرحمن إلا با جمعية إلا با الانتخابات إلا با سو ريفولتي كونت لو غوفيرنور لأن إي كومبار حزبية عبد الرحمن افيك لا حزبية سو كي تي افون لو. إي لا سا سا سا سي با لازم. Et le Hizbiya, on a dit, c'est un fikr, wala, wabara, dayir. Et il va appeler à la furqa. C'est ça. Que ça soit par l'intermédiaire des élections, ou d'une jam'iyya, ou autre chose. Maintenant, l'intermédiaire ou la wasila que Abd al-Rahman l'a choisi, c'est ce nouveau marquez. Pour diviser. Un nouveau marquez, les gens, ils ont dit, c'est du khair, on veut aller dans un nouveau marquez, ba'duhum. Et il a divisé avec ce moyen. C'est le fikr. C'est un wala et un bara dayir, comme on a vu. Et il appelle Al-Furqa, il a divisé, comme on a vu. Yakfi. Yakfi, il y en a, il a khalif des usul, al-ijtima' al-wala wal-bara. Yunsah, s'il ne veut pas revenir, c'est que le radio il est à la char. Il faut obligatoirement que ce soit un ikhwani, ou il appelle aux élections, ou il soit maintenant, dès qu'il est au Yémen, il soit min ashab bil Hassan. Là, il y a le zem hada, abadan. Seul fahm, ils n'ont pas compris. Pourquoi vous dites ça à Hizbi? Pourquoi il n'est pas avec ashab bil Hassan, il n'est pas avec Foulan? Hatta hada, hatta des choses qui citent. الآن يعني تقارب بينهم وبين الجمعيات يعني تقارب بينهم وبين أصحاب بالحسن دم بكل شوز معروف لكن نحن نسيت ساعة حتى الشبهة الواضحة سبان الشبهة الحقيقة الذي يتأمل الحقيقة سنشبهة هزيلة جدا جدا واحد الآن يفعل نقامه مثلا il invente une chose que personne n'a fait avant lui. On va dire là, là, c'est pas un égaré, il y en a là. Ah, ben, c'est un égarement, c'est un égarement. Il va donner l'exemple avec Shirk, un exemple طيب. قال ثم يبني الولاء والبراء الضيق والفرقة ومحاربة أهل الحق عليه فهي غفلة شديدة لا تتصور من ذي معرفة بحقيقة الحزبية المبتدعة وإنما يظن ويقول ذلك إما جاهل أو ملبس أو متلمس عن الحق وما أشبه هذا الظن بظن ابن حفيظ نعم الحقيقة سي با فوندي سور العلم سي با فوندي سور العلم هذا القول أن حزبية فلان il est c'est pour que ça soit un hizbi forcément il doit suivre les hizbis qui sont avant lui abadan abadan il va donner l'exemple avec ibn Hafid مسألة الشرك قال وما أشبه هذه الظن أو هذا الظن أو هذه الظنون وما أشبه هذا الظن بظن نعم هذا وما أشبه هذا الظن بظن ابن حفيظ أن الشرك إنما يختص بالشرك مشرك قريش فمن أتى بما يتضمن الإشراك بالله بصورة أخرى لا يعد مشركا في ظنه نعم pour lui الشرك c'est forcément tu fais le même shirk que كفار قريش t'adore des statues مثلا celui qui adore pas de statues pour lui c'est pas du shirk et هذا معروف ce كلام عند الصوفية مثلا واحد il sacrifie pour une tombe Il te dit là, c'est pas du shirk. Pour lui, la tombe c'est un salih. Pour faire du shirk, il faut adorer les statues. Là, l'ishrak c'est un ma'na kulli comme Zayati. Et le ma'na c'est ibadat ghayrillah. Que ce soit une statue, un habit, un malak, un salih, c'est du shirk. Hada. Qala. فمن أتى بما يتضمن الإشراك بالله بصورة أخرى لا يعد مشركا في ظنه أي في ظن ابن حفيظ المنحرف ابن حفيظ معروف من صوفية اليمن صوفية حضرموت أظن قال على أن الواقع أن عين ما يفعله ابن حفيظ وأرجاس التصوف عين الشرك عين الشرك مشرك قريش بجامع المعنى كله في الإشراك في الحقيقة سلام ممشون كفار قريش زادوين ستاتو أنت تدور إن توم Elle est où la différence? La statue elle est makhlouqa, la tombe elle est makhlouqa. T'as adoré autre qu'Allah, il a adoré autre qu'Allah. Ou alors c'est un salih. C'est un salih, maintenant, il est contre cette chose. Maintenant, les Yahoud ou les Nasara, ils adorent Isa, ils adorent Uzair. En fait, le salih, il n'est pas radi avec ça. Mais ton fi'l, il n'y a aucune différence. Et ce salih que tu adores, il serait vivant, il t'aurait montré que tu es un mouchrik. Si c'est un salih, haqqan. Voilà. À ma faire la différence, une chose c'est la même, elle est identique, là, elle joue. لا يجوز أصحابنا الآن لا ميمشوز أبو الحسن إلى التفرق إلى الطعن في أهل الحق avec des وسائل différentes ربما يبقى دي جمعيات يبقى دي ربما إلى أبلو زيليكسيون إلى آخر عبد الرحمن عدني دي لوتر كوتي إلى أبلو التفرق طعن في أهل الحق سلا ميمشوز لماذا نجي هذا سان حزبي لوتر لا سبا من سبا دي عدل هذه من الحقيقة سفهم صحيح إلى بوسي كثير من الناس يزون با كومبخي حتى بعض الجهال سافا بلو لوان بعض الناس مثلا مساكين خاصة دي ديبيتون خاصة في بلاد الكفر ما يفهمون هذه الأمور مثلا فلان سان حزبي تجي لا إلى لاباغ بلا القميص ما يفهم مسكين ما يفهم سي با سا الحزبية الحزبية يبو افوغ اون باغ بلو لون كو لا تين يبو افوغ بلوس دو قميص كو توا لكن سان حزبي سان منحرف سان فكر إلى أبل الفرقة سي بور سا الشيخ مقبل إلى في سيت نصيحة نو با بونسي كو الحزبي لا دو كورن Léana, tu vas voir une personne en apparence, il est taïb, c'est tartarbé. Et ça montre l'importance de l'ilm, l'importance de connaître l'aqida, de connaître manhaj al-salaf. Hatta tu comprends l'état de la personne par rapport au ilm, pas par rapport à tes pensées à toi. Au bas de nas, maintenant ils disent, pourquoi vous dites que c'est un hizbi? Il s'assoit chez Cheikh Abdel Mohsin, Al-Abbad. Il s'est assis avec Cheikh Ibn Baz. Pourquoi tu dis que c'est un hizbi? Ya akhi, c'est pas ça. Un hizbi peut s'asseoir, c'est Cheikh Fulan. Munafiqoun. Munafiqoun, ils étaient fait masjid al-Rasoul, alayhi salam. Khalas, on va dire que ce n'est plus des munafiqs. Mais c'est pas ça. L'ilm, la mas'ala, elle est mut'alliqa bil ilm. La personne suhal. Sa personne suhal, ça peut être un kafir et il s'assoit chez un savant. Ça peut être un jassous, mais akfar an-nas, et il est assis chez Cheikh Foulan. Ça va changer le hukm, c'est plus un kafir. Tu comprends tel-an. Anna kathir min ash-shubuhat, ba'd an-nas, imma ils n'ont pas d'ilm, imma ils ont une mauvaise compréhension. إما والعياذ بالله إذا بالحق سامعاند أما المسألة إن شاء الله لواضحة جدا قال والتحقيق الآن إذا إلى دجا ديمونتخي رحمة الله عليه إذا غو ديمونتخي الآن أن الحقيقة سيكو سين حزبية لفوندي سور دي أصول دي حزبية إذا خالف دي أصول دي السنة قال أن الحزبية معنى كلي معنى كلي أي حزبية هذه لإنديفينيسيون ولاء وبراء ضيقكم ربي celui qui a cette hizbiya c'est un hizbi ولو avec une façon différente ولو avec un nom différent c'est le معنى tu regardes انت مثل الشرك الشرك c'est معنى كلي adorer autre qu'Allah مثلا واحد il adore pas de statue il adore pas de tombe il adore autre chose c'est un mushrik لأنه il adore autre qu'Allah N'importe quel moyen qui le pousse à adorer autre qu'Allah, le résultat c'est du shirk. هكذا الحزبية. قال هو الولاء والبراء الضيق والسعي بالفرقة والتحزب ومضادة الحق وأهله بأي فكرة أو رأي أو نهج فتختلف أسبابه وتتفق آثاره وثماره. نعم. خاص مهم. فتتخلف أو فتختلف أسبابه. ربما لمويا الوسائل لأسباب سون ديفيرون لكن الآثار والثمرة سلامهم هذا سمون مثل الشرك tu peux avoir différents moyens والعياذ بالله مثلا واحد il adore une tombe un deuxième il adore une statue un troisième il adore une vache il y a trois moyens différents une vache une tombe une statue le résultat c'est le même c'est un mushrik il y en a les trois ils ont une façon différente laquelle ils adorent Ils adorent autre qu'Allah. هكذا الحزبية. Un, ça peut être avec une jam'iyya. Un deuxième, ça peut être avec des élections. Un troisième, ça peut être avec un masjid. Un quatrième, ça peut être. Et al-kul, ils appellent à la division. Et ta'viya al-haq. Le résultat, c'est l'hizbiyya. Et le moyen, il change. Le moyen, il change. قال فتختلف أسبابه وتتفق آثاره وثماره. وهذا ما أشار إليه شيخنا الوادعي. بلل الله. نعم. قال ما أشار إليه شيخنا الوادعي بلل الله بالمغفرة ثراه سامين دو بلل مبلول مثلا سمو هذا لا يشكل عليكم مثلا تجي هذا الثوب المبلول أي بالماء مثلا هذا الثوب المبلول بالماء أي يدلو الآن إلى فان دعاء بلل الله بالمغفرة ثراه ثراه التراب أي كالله سبحانه وتعالى إلو فاس ميزيريكور هذا قال بقوله فيها هي فكرة يتبناها الشخص ويدعو إليها ويفرق المسلمين avec n'importe quel moyen qu'il prend si c'est un fikr يدعو الناس إليها مثلا on prend l'exemple de l'Adani fikr et il appelle les gens comme معنا في حاشد comme معنا في عدن قال ويدعو إليها il a appelé à هذا فلان t'as changé il rapproche فلان il écarte فلان قال ويفرق المسلمين à la fin ça fait une فرقة ينصح s'il accepte pas Il a appelé à l'hizbiyya. L'hizbiyya, c'est de faire des groupes. Est-ce qu'il a fait un groupe ? Non. On était tous des frères à Dammaj. Tous à la manhaj wahid, aqida wahida. Même shir, même doruz. Qui c'est qui a appelé à cette furqa ? C'est le rajul comme on l'a démontré. C'est une hizbiyya wadiha. Lakin, ba'd an-nas, hizbiyya, il faut que la personne, quand la kachik mokhbil, il a des cornes. Et deuxièmement, il faut absolument que shir fulal, il montre que c'est un hizbi. Si tu as passé deux choses, indahum, ils ont deux usul, ba'd an-nas, c'est pas acceptable. Il faut qu'il a deux cornes. Il faut que ça soit Cheikh Foulan qui parle. Nahnou l'an, Mushkila n'a Abdurrahman al-Adani, il n'a pas de camp. Et deuxième Mushkila n'a Abdurrahman al-Adani, Cheikh Foulan, il n'a pas dit que c'est un Hizbi. بعد الناس خلاص il rejette. Taqlid et jahl. قال فمتى فمن أتى بفكرة أو أفكار أيا كانت على وجه التدين. Bien sûr, avec cette précision, تدين, لأن الحزبية c'est une bid'a. Cette personne, an, il fait cette furqa pour lui au nom du din, il appelle au din. قال فأثمرت عنده ذلك كان حزبيا شاء أم أبى نعم لأن الحكم يدور مع العلة عند أهل العلم الحكم c'est par rapport à un سبب par rapport à une عله Même si la personne refuse. Maintenant, il fait du shirk. Il adore une tombe. C'est un mushrik. La personne lui montre, il l'ansah, il n'accepte pas, c'est un mushrik. Il dit là, ça ne nous regarde pas. Il dit, c'est un mushrik. Il a fait la cause pour être un mushrik. Même s'il refuse. Il boit de l'alcool. Il nous dit là, j'ai bu de l'eau. On dit, t'as bu de l'alcool. Voilà où il refuse. Voilà où il dit là, il jure, t'as bu de l'alcool. Les analfokum, c'est par rapport à ce qu'il y a. C'est par rapport à la réalité de la chose. Ama voilà, il dit là, j'ai bu de l'eau. Là, si t'as bu de l'alcool, c'est de l'alcool. Voilà où il appelle eau, voilà où il appelle autre chose. Ah, là, c'est mohim. Ça, ça nous montre qu'il y a une chose qui est le waqi, qui est le haq. Ntabé, voilà où. Là, t'as donné un hizbi, il va dire, na'am, na'am, je suis un grand hizbi. Ah, badan. Hizbi va toujours te dire, je suis un sunni, je me suis assis avec Foulan. Là, t'as tarbi, hada. Si c'est un hizbi, c'est un hizbi. Qala. شاء أم أبى تصور ذلك أم لم يتصوره يعترف بذلك أو لم يعترف به نعم لأن si on applique pas هذا أبو الحسن c'est plus un حزبي سلمان سفر c'est plus des حزبي عبد الرحمن عبد الخالق c'est plus un حزبي وهكذا جميع فالح الحربي c'est plus un منحرف وهكذا جميع أهل الظلم قال قال فليس ذلك شرطا في تعلق الحكم به نعم شرط في تعلق الحكم c'est que la personne l'a fait cette chose. Il lui reste deux cas. Il admet, il fait tauba et tauba l'efface tout ou il s'entête et le hukm il est allé. Voilà. Amma pour que le hukm soit sur une personne, il faut qu'il accepte ou il faut qu'il abatan abatan هذا لا أحد يقول به قال ولو ظن ذلك لما حكم على مبتدع ببدعة صحيح لأنه يغوكونسبا هذا يغوكونسبا لغ بدعة قال وعلى ولا على حزبي بحزبية يوما من الدهر إذ كل واحد منهم لا يعترف بأنه مبتدع حزبي ويرى صحة بدعته وفكره ورأيه فهذا الظن عائد على جهود أهل الحق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا بالإهدار نعم depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à nos jours الأئمة العلماء ils montrent l'égarement des égarés et la bid'a des mubtadi et le kufr des kuffar et هؤلاء أهل الظلال ils acceptent pas ils prétendent qu'ils sont à la haute est-ce qu'on va remettre en cause tous ces efforts. قال جهود أهل الحق من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا بالإهدار فذو الخويصرة التميمي والخوارج صحيح ذو الخويصرة est-ce qu'il a dit نعم je suis un égaré بل il a appelé à son égarement يعدل يا محمد il a prétendu que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a pas été injuste et lui il a prétendu qu'il appelle à la justice est-ce qu'on va dire il est à la حق أبدا سامبطل سامنافق طعن في النبي عليه الصلاة والسلام قال والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة مثلا نحن هنا في الإكزام في درسنا التقريب المعتزلة يزابل لغ أصل التوحيد في الحقيقة لغ أصل سينحراف وضلال مبين أنه سينكار الصفات pour eux c'est ça التوحيد est-ce qu'on va dire on dit pas que c'est des معطلة لأنهم يزابلوا التوحيد أبدا ils peuvent appeler leur تعطيل توحيد إيمان comme ils veulent c'est du ضلال وهكذا الجهمية وهكذا الأشاعرة الشيخ سعيد يتمنت أن si on laisse ce باب ouvert il n'y a plus d'égaré قال والمعتزلة والأشاعرة وسائر أهل البدع لا يرون فساد مذهبهم فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توبة لمبتدع حتى يترك بدعته لأن pour lui il est à la حق comment il va faire توبة قال وفساد مذهبهم ولا يعتقدون ابتداعهم ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال سفيان الثوري قال كما قاله نعم ذكره كما قاله سفيان الثوري والبدعة شر من المعصية بالإجماع لماذا؟ لأن البدعة لا personne pense que c'est حق et il ne fera pas de tawbah en général بل il va appeler à cette bid'a الآن tu le vois dans les mosquées جماعة التبليغ ils appellent الإخوان ils appellent الروافض ils appellent لأنه ils pensent qu'il est à la حق t'as déjà vu un عاصي rentre dans une mosquée il appelle à boire de l'alcool on va faire zina أبدا c'est que lui c'est une معصية فلهذا إبليس عليه لعائن الله يبخفر البدعة عن المعصية لأن يسكر معصية تبقى فيه توبة توماما كم من العصاة يفون توبة يدلس الكول يدلس الزنا يدلس المنصنج يدلس الفول يسك سيدو الشر أما المبتدع إلا أن يشاء الله يفت توبة فعلى هذا أشر يعني أخطر من المعصية. قال كما نقله شيخ الإسلام قال لأن صاحب المعصية يتوب وصاحب البدعة لا يتوب لاعتقاده أنه على الحق. كم مثلا اللي ما فق توبة يبانس كسي سديني يبانس كسي سالحق. هذا مثلا جماعة التبليغ كثير منهم بل أكثرهم نادر واحد في التوبة لأن يبانس كسي خروج سد بدعة سدين الله. فلهذا تلو تخوف يجتهد يفي دي زفور يلابل أسو ضلال. أما المعصية لا معصية ساشانش تو كثير من الناس يفسد معصية إلى فو مثلا من العصا يبوا دل الكول مثلا شو لو باخلي تدي صحيح تدي شو فابل جوي سي داريتي يغوكونا تجا تخوفي تبليغي تدي نعم شو فابل جوي سي داريتي الخروج أبدا يفي تو بور كو تو سورت أنت أفيك لو. فالقول هذا إلى هزيل إلى هزيل أن الحزبي فورسيمون il doit suivre ceux qui étaient avant lui ou forcément il doit نعم il doit إما reconnaître أو أبدا أبدا il doit reconnaître أنه il est على الشر أو أبدا بل c'est un حزبي c'est un مبتدع هو il appelle il pense appeler au حق فإذا تجيك إلى على حق فهذا الكلام لهذه. قال وبطلان قول من قال حكم الشيخ يحيى بحزبية العدني اجتهاد ça c'est une autre شبهة. وبعضهم ils ont pas de حجة et ils peuvent pas répondre à ceux qui ont démontré حزبية العدني كشيخنا يحيى حفظه الله تعالى. il va citer مثل هذا الكلام il va te dire moi je suis pas obligé de prendre le قول لأن حكم الشيخ يحيى c'est un اجتهاد et اجتهاد العلماء tu peux les suivre tu peux les délaisser نعم لكن est-ce que le kalam il est fondé sur le haqq am la est-ce que le kalam il est fondé sur adilla am la s'il est fondé sur adilla tu dois le prendre s'il s'est trompé démontre amma une phrase ambiguë hakada hukm cheikh yahya bi hizbi al-adani ijtihad mais lakin ça ijtihad haqq am batil si c'est haqq celui-là kam min al-ulama yajtahidoun dans des choses on pense que c'est haqq et on les suit parce que c'est le haqq et kam min al-ulama yajtahidoun et ils se trompent et on délaisse leur kalam tu délaisses leur kalam lana c'est une erreur. أما كلام أنفيجو هكذا ونسيباسي سيحق باطل لا ينفع. قال وبيّن ذلك أن قوله هذا إما أن يكون قاله باجتهاد أو لا. أولا أسكو الشيخ يحيى لدي هذا باجتهاد أم لا. قال فإن كان قاله باجتهاد فكيف يقدم أو يدل على بطلان حكم شيخنا يحيى أيده الله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أي la parole de cette personne الان شيخنا قال حكم او cette personne dit حكم الشيخ يحيى بحزبية العدني اجتهاد suivez الشيخ سعيد يقول وين ذلك ان قوله هذا اي cette personne qui a dit ce كلام ان لا حكم الشيخ يحيى سان اجتهاد قال اما يكون قاله باجتهاد او لا lui-même son كلام سان اجتهاد ام لا lui-même son كلام نحن va lui dire ton كلام انت ce que tu prétends سان اجتهاد الان je suis pas obligé de le prendre قال او لا فإن كان قاله باجتهاد فكيف يقدم أو يدل على بطلان حكم شيخنا أيده الله سي lui-même son كلام سان اجتهاد comment il réfute l'اجتهاد de notre شيخ avec son اجتهاد à lui il réfute-le avec des أدلة c'est ça qu'on répète depuis le début démontrer أن الشيخ يحيى s'est trompé بالأدلة أما tu cites toi aussi un اجتهاد enfin c'est ton avis toi aussi il peut être accepté ou rejeté ça c'est premièrement أما nous on va voir أن كلام الشيخ يحيى حفظه الله comme on a lu dans ce risala, il est fondé sur des adillas. Et ces adillas, tu es obligé de les prendre. قال على بطلان حكم شيخنا يحيى أيده الله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما هو معلوم عند الفقهاء والأصوليين ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. Comment tu réfutes على الشيخ يحيى avec ton اجتهاد à toi? Un deuxième, il va venir, il va réfuter ton كلام. كذلك. Et on s'arrêtera plus. قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي التي ليس فيها نصوص صريحة. نعم الاجتهاد كبد أدلة. الاجتهاد كبد أدلة. tu peux le prendre, tu peux le rejeter. بعض العلماء مثلا يجتهدون dans des مسائل فقهية. tu peux prendre, tu peux rejeter le كلام. ربما نطق عالم إلى كلام إلى أقرب إلى الحق. أما نحن وبعض أن le كلام de الشيخ يحيى الآن on a lu une رسالة. il est fondé sur des choses. الشيخ يحيى لا اجتهد inventé une فرقة. أبدا الفرقة لا existe il y a des adillas qui montrent que le فرقة c'est interdit لماذا tu prends pas ce حق قال أي التي ليس فيها نصوص صريحة أو فيها نصوص متعارضة تحتاج إلى جمع وترجيح ونظر كما بينه السمعاني في القواطع وابن القيم في إعلام الموقعين. ثم ما المقصود بكونه اجتهادا؟ premièrement il peut pas rejeter le kalam de Cheikh Yahya pour lui c'est un ijtihad avec son ijtihad à lui أبدا. الاجتهاد tu montres qu'il est pas صحيح avec des adillah. Ça c'est أولا. deuxièmement ثم ما المقصود بكونه اجتهادا؟ الآن on va étudier مسألة. Ça veut dire quoi son qawl, c'est un ijtihad? Il y en a beaucoup de gens, ils peuvent comprendre des choses. Cheikh Yahya, il a parlé. Hakada, c'est du à peu près. Hakada. Là, l'an, on va voir, on a le kalam. Et on a vu, wallah, alhamdulillah, le kalam, il est mené à la adilla, à la nusus. Et des témoignages véridiques, il s'est vraiment passé des choses. La preuve, les mashaïkh, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'Abdurrahman était mukhti, comme on a lu au début. Falima, là, tu dis, cette personne, il dit pas. Kalam al-Mashaykh, c'est ijtihad, Abdurrahman ne s'est pas trompé, l'imam. Vous avez remarqué que c'est tout sur Cheikh Yahya. Qala, thumma mal maqsoud bi kawni ijtihadan, illa annahu lam yara fihi nassun sarih min al-kitab wa sunnah yadul bi mantuqihi aw bi mafhumihi wa fahwa ala hizbiyat al-adani wa hizbi al-haqir. Na'am, ba'd an-nas, matalan yadi Cheikh Yahya ijtihad, lian pour lui, il n'a pas trouvé un dalil ou un verset du Coran qui dit Abdurrahman hizbi. Ya akhi, tu ne trouveras jamais ça. C'est pas ça le mas'ala. Mas'ala, c'est tu démontres inhiraf al-rajul et t'appuies avec des adillah. Maintenant, il est appelé à la furqa et tu cites des adillah dans le Coran en la furqa, c'est haram. C'est ça le dit. Amma, il n'a pas été cité. Al-haqiqa, tu vas rendre mubtadi' personne. Il a fait Fir'aoun, c'est un kafir. Iblis, c'est un kafir, il est cité dans le Coran et tous les autres là. Qala, على حزبية العدني وحزبه الحقير فهذا لا يمكن وجوده لا في العدني وحزبه ولا في غيره من أهل الأهوى والبدع والتحزب السابقين واللاحقين بل كثير من الكفار. C'est pour ça qu'on a cité quelques noms, Pharaon, Iblis, Haman et quelques noms فقط. أما الحكم حكم أهل العلم il est fondé sur سيرة الرجل son عمل qu'est-ce qu'il fait et il طبق avec أدلة الكتاب والسنة. Si c'est شر il lui montre que c'est شر. قال فمؤدى توقف الحكم على ذلك إلغاء الحكم على كل من استقر انحرافه وابتداعه وتحزبه من الأوائل. لأن نحن الآن أبغى أجيبون تبديع أبي الحسن العلماء كلهم بدع سان اجتهاد على قولك علي حلبي سان اجتهاد فلهذا حتى الإخوان يبون دير سان اجتهاد لا نون ديك أبو الحسن سان سني كمون في أبدا. Ils ont ouvert des portes dans la réalité très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très فالمسؤولية العظيمة. قال فمؤدى توقف الحكم على ذلك إلغاء الحكم على كل من استقر انحرافه وابتداعه وتحزبه من الأوائل وامتناع الحكم على من يأتي. ولا شك أن هذا ليس مقصودا عند من شم رائحة العلم. صحيح. celui qui a senti العلم il dira pas مثل هذا الكلام. ما بالك طالب ما بالك شيخ ما بالك عالم. قال ورزق ورزق مسكة أو مسكة من الفهم. نعم أي un petit peu de فهم. الله lui a donné un peu de فهم يكمخونها هذا. قال وهي نظير مطالبة المصري وحزبه النتين بإقامة الدليل على بدعية بالحسن. هكذا أصحاب بالحسن. vous avez pas de دليل على بدعية بالحسن que c'est un مبتدع. tu veux un verset du Coran ou un hadith. هذا c'est pas possible هذا. فمعروف أن العلماء يحكمون على الرجل par rapport à ses faits et gestes, par rapport à ce qu'il dit. ثم يقارن avec le kitab ou le sunnah. s'il a appelé al-furqa c'est haram, c'est un munharif. هذا les versets du Coran et les hadiths ils sont عام. chaque mubtil qui appelle à telle chose c'est un mubtil. لكن vous avez remarqué أن هذا vu qu'il n'y a pas de hujja c'est pour repousser le haq فقط. قال وإن كان المقصود. donc premièrement ما المقصود بكونه اجتهاد. si ton maqsoud c'est qu'il n'y a pas de dalil من الكتاب ومن السنة كما قال شيخ سعيد يدل بمنطوقه أي اللف عبد الرحمن العدني سامبتدع هذا يبا فسيتي بهذا سان كلام فارغ سان كلام هزي. Deuxièmement, وإن كان المقصود أن شيخنا يحيى أيده الله لم يثبت من الحقائق على العدن وحزبه من الأفعال والأقوال ما يقتضي المخالفة لأصل توجب الحكم عليهم بالحزبية فليس هذا بصواب. الحقيقة eux vont vouloir ce deuxième point. Ils vont dire c'est un ijtihad et Cheikh Yahya il a pas démontré أن عبد الرحمن العدني c'est un munharif avec des preuves. مثلا عبد الرحمن العدني il a fait de la furqa. On a d'aller sur furqa. Cheikh Yahya il a pas réussi à démontrer هذا. أبداً. Ça c'est pas صواب. Il a appelé Al-Furqa et vous le savez. Mashaykh, ils l'ont dit. Ils ont dit, Anna Abdurrahman, il est mortel. Al-Fitna, elle est sortie d'en dessous de ses pieds. Ça montre qu'il est mortel. Est-ce qu'il a fait Tawba? Là. Est-ce que Cheikh Yahya, Hafidahullah, il a été injuste, il a rajouté là. Ce que les Mashaykh, ils ont dit, il l'a dit. La différence, c'est que Cheikh Yahya, il n'a pas lâché. Il a dit là, Abu Dhabi Tawba, il n'a pas fait Tawba, il a sorti un hukm. Les autres Mashaykh, ils ont reconnu le khata, comment ils n'ont pas continué? C'est qui est mortel dans l'affaire là, hein? Tu ne peux pas reprocher à Cheikh Yahya d'avoir continué fait le khayr. Pourquoi la reproche n'est pas sur les mashayikh? Il n'a pas fait de tawba. Les madha, vous n'avez pas continué. Hada. Qala. Qala min al-af'ali wal-aqwal ma yaqtadi al-mukhalafa li aslin tujibu al-hukm alayhim bil-hizbiyya. Falaysa hada bisawab. Kama sabak bayanuhu wa inkaru dharik mukabaratun lil-his. L-his a des choses réelles. Des choses que les gens ils ont vues, entendues, vécues. Et la preuve, nous, on le cite souvent, « Al-Mashaykh », ils ont accepté ça, ils ont reconnu ça. « وَحِينَئِذٍ يَكُونَ الْحُكْمُ بِحِزْبِيَةِ الْعَدَنِي وَمَنْ تَجَلَّدَ لِفِتْنَتِهِ حُكْمٌ قَائِمٌ عَلَى التَّوْقِيفِ وَالْوَحِي إِذْ مَنْ أَتَى بِمَا يُخَالِفُ أَصْلًا أَوْ أُصُولًا شَرْعِيَّةً فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِمَا تَقْتَضِيهَا الْمُخَالَفَةُ. ففي الحقيقة الآن لو قول أن حكم الشيخ يحيى اجتهاد الآن نحن avec ce كلام الأمر اللي واضح. لأن الآن عبد الرحمن العدني لا فيد الشوز شيخ يحيى il a parlé sur lui en appuyant avec des preuves. مثلاً il a appelé à la division c'est haram. اتق الله. هذا donc le كلام في الحقيقة il a sa place. كلام شيخنا يحيى حفظه الله. قال إذ من أتى بما يخالف أصلاً أو أصولاً شرعية. أنا ستة كلام أهل العلم في هذا. كلام الشاطبي كلام السمعاني كلام شيخ الفوزان كلام شيخ مقبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن celui qui خالف un أصل فالحكم اللي par rapport à sa مخالفة فالحكم عليه بما تقتضيه المخالفة من كفر وفسق وبدعة حكم بمقتضى النص والدليل. Ça ça doit être compris يا جماعة. حكم بمقتضى النص والدليل. تغجم un دليل أن فلان سان حزبي فلان سان مبتدع بالنص بالمنطوق. Jamais. Lakin, le dalil, tu l'appliques par rapport à la personne. Maintenant, Allah il a interdit al-furqa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Celui qui appelle à la furqa, on applique son nas alayhi. Qui qu'il soit. C'est ça le din. Qala, wa la inkar. Qala, bimuqtada al-nas wa al-dalil, la yassur li ahad mukhalafatuh, wa la yu'ad. من قبل مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. على هذا on peut plus dire là c'est un ijtihad. لأن celui qui dit c'est un ijtihad أي je peux prendre le قول ou je peux le délaisser. لا لأن الكلام il est fondé sur أدلة. Soit Cheikh Yahya s'est trompé démontre soit il a حق يسوي. أما هذا الكلام الآن لا ينفع. قال ولا إنكار فيها ولهذا قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. نعم ولا تكن للخائنين خصيما. طب pas le droit de défendre le مبطل. Ça démontre qu'on n'a pas le droit de dire là il a ijtihad pour défendre le mubtil. Là il y a juz. Si c'est haq, sur le haq. Si c'est khata, ce que Cheikh Yahya a démontré, démontre-nous ce khata. Amma sortir, citer un kalam, il n'y a aucune alaqa l'an, ma yanfa. Wa qal wa la tujadil an alladhina yakhtanuna anfusahum. Wa qal an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamuh لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. تأملوا الخطر الآن. celui من خاصم في باطل. celui qui خاصم في باطل. نقاش. il veut pas accepter. وهو يعلمه. et c'est très bien qu'il est à la باطل. لم يزل في سخط الله. il est في سخط الله. الله سبحانه وتعالى il est غاضب عليه. حتى ينزع عنه. jusqu'à qu'il délaisse ce باطل. il délaisse ce موقف. قال رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه وهو في صحيح المسند أي صححه الشيخ مقبل أو حسنه صحيح المسند أي للإمام مقبل بن هادي. قال وهذا المعنى لم يكن السلف أئمة الهدى والعلم والسنة قديما وحديثا يختلفون في من ثبتت مخالفته في أصول الدين كما يختلفون في شأن ضبط الرواة. أما هذا غدا سأفرمان دي شيء quelques explications نترك لغدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Vous avez dit on allait lire شيء من هذه الملزمة quand il avait parlé أن عبد الرحمن العدني il avait des erreurs في العقيدة les erreurs que Cheikh Kamal Al-Adani rahmatullah alayhi il avait démontré. C'est pas oui le qalil. On attend de finir hadi inshallah et on les citera. Hayyakum Allah. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.